الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل من خلقه وخليله أشهد بأنه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وقد جاهد في الله حق جهاده حتى يأتيه اليقين ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يا إخوان يا أخوات نلوان الله سبحانه وتعالى pour cette deuxième journée. Oui, nous sommes aujourd'hui au deuxième jour du mois de Ramadan. Et avec force et détermination et une grande volonté d'adorer notre Seigneur du mieux que nous pouvons. Alhamdulillah qui nous a permis cette deuxième rencontre pour aborder notre deuxième épisode de notre série Ma'at Tabi'in, c'est-à-dire avec les successeurs. C'est une occasion unique ce mois pour accumuler le maximum de bienfaits et de se rapprocher du Créateur. C'est un mois béni pour tout bon adorateur. Et nous commençons, Inch'Allah, notre série avec la première personnalité parmi les tabi'in. Il s'agit d'un grand commandant militaire, un héros hors pair. C'est lui qui a initié la conquête de la Perse et de l'Irak. En effet, il avait frayé le chemin à Khalid ibn al-Walid. Il a été la cause principale de la chute de l'Empire perse. Il a réussi tout cela après avoir atteint la soixantaine d'années. Oui, effectivement, car c'est à cet âge-là qu'il s'est converti à l'islam. Cet héros dont nous allons parler s'appelle Al-Muthanna ibn Haritha. Son histoire commença 10 ans avant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'était même entretenu une fois pendant 1 heure avec lui, mais au terme de l'entretien, Al-Muthanna décida de ne pas se convertir. Il ne se convertira d'ailleurs que 3 mois après la mort du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que malheureusement, il ne peut pas porter le titre de compagnon, de sahabi. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu dans le premier épisode, le compagnon, ce titre est réservé à celui qui a vu une fois, au moins une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort en étant musulman. Tandis que le tabi'in, c'est celui qui a vu au moins une fois un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort en étant musulman. Et je raconte cela pour que nous puissions en tirer des leçons. Il faut que nous soyons précautionneux quant à nos choix. Une mauvaise décision que nous pouvons prendre dans notre vie peut nous coûter très cher. Elle peut avoir de grandes répercussions sur notre vie. Et chacun d'entre nous doit en tirer des leçons et analyser sa propre vie et de voir les erreurs qu'il a pu commettre afin de ne plus les réitérer et ne plus les recommencer. Al-Muthanna pleura beaucoup de remords tout le restant de sa vie car il avait raté l'occasion d'être aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de figurer parmi ceux qu'on a appelés Sahaba, les compagnons. Al-Muthanna appartient à la tribu de Beni Shayba. Et Beni Shayba est une des tribus arabes les plus puissantes à l'époque du prophète Mohammed alayhi salat wa sallam. Et cette tribu se trouvait entre le pays des Perses et celui des Arabes, c'est-à-dire géographiquement entre l'Iran et l'Irak actuellement. Conscient de la force de cette tribu-là, les Perses signèrent avec eux un pacte afin qu'elle constitue un rempart afin qu'elle constitue un rempart pour eux contre toute offensive provenant des tribus arabes. Et bien sûr en contrepartie de certains avantages. Et ce pacte conféra donc à la tribu de Beni Shayba un poids de prestige au sein des Arabes. Et il fait noter que l'empire perse était un des deux plus grands empires à cette époque-là avec l'empire romain. Al-Muthanna, quant à lui, était le commandant militaire de la tribu, succédant à son père. Et ce dernier lui avait appris toutes les techniques de guerre et de combat. Et avant de mourir, son père lui avait enseigné une chose, il lui avait donné une leçon de vie. Cette leçon peut être jugée bonne ou mauvaise. En tout cas, cette leçon était que le fait de se lier, ou plutôt les principes de cette leçon étaient que le fait de se lier avec le plus fort et de jamais se lier avec le faible. Et de ne pas combattre ceux qui étaient les plus forts. Et également que la vérité allait de pair avec cette force-là. Et que le bien résidait dans la force. C'est-à-dire que ceux qui avaient la force, ceux qui avaient le pouvoir, alors c'était forcément eux qui étaient dans le bien et qui détenaient la vérité. Et malheureusement, Al-Muthanna a vécu avec cette leçon-là. Et dans la majorité de ses décisions, la majorité des décisions qu'il prenait était basée sur ce principe-là. Quant à sa femme, Salma bint Qusayba, elle avait des principes différents. Et elle privilégiait le bien et la vérité qu'elle préférait plutôt à la force. Revenons donc à sa première rencontre avec le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Celle-ci eut lieu 3 ans avant l'émigration des musulmans vers Médine, avant la hijra, la première hijra. À cette période, comme vous savez, la situation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement difficile, très difficile. En effet, les sahaba, les musulmans, vivaient assignés à la Mecque, où on tuait, subhanallah, certains des compagnons. La femme et l'oncle du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, Khadija, sa bien-aimée, et son oncle, Abu Talib, qui le protégeait, décédèrent cette année-là. Il fut rejeté et chassé avec des jets de pierre. Lui, la meilleure des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par les gens de la tribu de Ta'if, chez qui il était parti pour chercher du soutien. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait la vérité avec lui, mais il n'avait pas de force pour la protéger et la défendre et la propager. C'est pour ça qu'il prononça un jour cette invocation. Lorsque les gens de la tribu de Ta'if lui chassaient et lui jetaient des pierres, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala: Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamur rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل به غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette magnifique invocation: Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris que j'inspire aux gens. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des faibles et tu es mon Seigneur. À qui me confies-tu? Est-ce à ceux qui me détestent ou bien à ce que tu me laisses à mes ennemis? Tout cela m'importe peu si je sais que je n'attire pas ta colère. Car pour moi, ta satisfaction est plus vaste que tout. Je cherche refuge auprès de la lumière de ton visage par laquelle tu dissipes les ténèbres et redresses qualitativement les affaires de ce monde et celles de l'au-delà contre tout décharge de ta colère sur moi. Je ne cherche que ta satisfaction. Je ne cherche qu'à te satisfaire. Il n'y a de puissance ni de force si ce n'est en toi. Voilà le magnifique dua que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait lors de son siège à Taïf, qui montrait bien la situation de faiblesse que vivaient les sahaba et parmi eux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant la période du pèlerinage annuel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, qui avait une bonne connaissance des tribus, essayait de trouver un soutien auprès de l'une des tribus qui venait faire le pèlerinage. Mais subhanallah, aucune des 26 tribus sollicitées n'accepta de le défendre. Pourquoi ? Parce que ces tribus avaient peur de Quraysh. Quraysh, qui était la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'Abu Bakr aperçut la tribu de Beni Shaiba, il s'empressa de vanter ses mérites auprès du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il lui indiqua que leur support, le fait qu'il les assiste, et leur soutien serait d'un grand secours pour l'islam. Abu Bakr connaissait personnellement les trois chefs de tribu, qui s'appelaient Maghluq ibn Amr, Hani ibn Qusayba et Al-Muthanna ibn Haritha. Au début de l'entretien, Abu Bakr leur présenta le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Puis il s'adressa à Maghluq ibn Amr, qui était le plus âgé, et lui demanda: quel est le nombre de vos combattants? Maghluq répondit: nous avons 3000 hommes, et c'est force qui ne peut être vaincue par une troupe moindre. Abu Bakr lui dit alors: qu'en est-il de votre vigueur, yani au combat? Maghluq rétorqua: c'est à nous de fournir l'effort de travail, mais la victoire provient d'Allah. Et Abu Bakr lui demanda encore: comment se passe la guerre entre vous et vos ennemis? Maghluq lui dit: nous ne pouvons être plus furieux que lorsque nous rencontrons notre ennemi. Nous préférons nos montures aux enfants et nos armes aux semences. Et à travers ces questions, en vérité, Abu Bakr voulait démontrer au prophète Mohammed la force de cette tribu-là. Puis, ce fut maintenant au tour de Maghluq de s'adresser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il s'adressa à lui en lui disant: qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les volontés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: je voudrais que vous m'hébergiez et que vous me défendiez jusqu'à ce que je puisse délivrer le message de mon Seigneur, car les Quraysh se sont alliés contre moi. Alors Maghluq lui demanda: quel est ton message? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme à son habitude, commença à lui lire quelques passages du Coran. Et il commença par les versets de Sourate Al-An'am. Lamma qala Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah subhanahu wa ta'ala, il dit: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى يقول: dit: venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. Et n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Et ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a faite sacrée. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être comprendrez-vous. Alors, Maghluq lui dit: et à quoi d'autre appelles-tu, yani, rajoute. Enfin, le professeur il continue à la lecture: wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awfu al kayla wal mizana bil qist la tukallifu nafsan illa wus'aha وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Allah SWT continue en disant: et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que de la plus belle manière jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, et donnez la juste mesure et le poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Ainsi, Baruch lui dit encore: quoi d'autre? Yani, rajoute. Alors le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, alors le prophète alayhi salatu wasalam rajouta le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah ordonne d'agir avec équité et bienfaisance et de donner aux proches, et interdit la débauche, la fornication et la tyrannie. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux pauvres, et interdit les turpitudes, l'acte répréhensible et la rébellion. Et il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fini de réciter tous ces versets, Mahlouk sourit. Et il dit: je jure que tu n'appelles qu'aux bonnes mœurs. Et le peuple qui te combat ne peut être qu'injuste. Ensuite, il se tourna vers Hani ibn Qusayba, qui était également un sage, et pour qu'il te donne son avis. Et il dit: j'ai apprécié ce que tu as dit aux frères de Quraysh. Cependant, on ne peut pas renier notre religion et te suivre après seulement un seul entretien. Nous devons d'abord consulter notre peuple avant de donner une décision. Mais en ce qui concerne ton message, j'ai apprécié ce que tu as dit. Donc les deux premiers étaient d'accord, ils étaient convaincus par le message du prophète alayhi salatu wasalam. Il ne restait plus que à convaincre Al-Muthanna. Et lorsqu'ils lui demandèrent son avis, Muthanna dit au prophète Mohammed alayhi salatu wasalam: ô frère de Quraysh, j'ai apprécié ton message et il ne comporte que le bien. Cependant, nous sommes un peuple entre deux remparts, c'est-à-dire les Perses et les Arabes. Quant aux Arabes, nous pouvons facilement les affronter. Mais nous ne sommes pas en mesure de nous opposer aux Perses. Et je vois que ton message sera haï par les rois, et que tu combattras les Perses avec qui nous avons un pacte. Nous pouvons donc te défendre contre les Arabes, mais pas contre les Perses. Et c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: non, cette religion ne peut être confiée qu'à ceux qui l'englobent de tous les côtés. Al-Muthanna avait alors touché à ce qu'il ne fallait pas. Al-Muthanna avait tout gâché. Il avait montré sa personnalité qui se basait sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le calcul des rapports de force uniquement, sans se soucier de l'autre versant qui est le bien et la vérité. Et cet épisode concerne donc la dualité entre la vérité et la force. Comment doivent être effectués les choix dans notre vie? Le bien et la vérité, ou bien la force? Est-ce que les deux sont forcément liés? Et comment ne pas regretter nos choix? Et il faut également s'arrêter sur la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam: cette religion appartient à ceux qui l'englobent de tous les côtés. En effet, il faut vivre l'islam dans sa globalité, dans sa totalité. Il ne faut pas s'attarder uniquement sur les pratiques et sur les apparences et oublier le bon comportement et les bonnes mœurs qui en constituent le socle. Et en partant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retourna vers Al-Muthanna et lui demanda: si jamais Allah me fait triompher et me rend maître de la terre des Perses, est-ce que tu glorifieras et tu sacraliseras Allah subhanahu wa ta'ala? La certitude du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam secoua Al-Muthanna. Et il répondit: tu as ma parole. Subhanallah. La force dans les yeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui paraissait plus grande que celle des Perses. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit cette parole, il l'a dit avec tellement de certitude qu'Al-Muthanna il a oublié la force des Perses. Mais malgré ça, il continua à rester dans sa position et refusa l'islam pendant encore 10 ans. Cette décision coûtera très cher à la tribu de Beni Shayba. Pourquoi ? Parce que vous pouvez vous rendre compte que s'il avait accepté, ils auraient acquis le titre de Ansar. Et les musulmans du monde entier partiraient visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez eux, et non pas à Médine. Malheureusement, ce bienfait leur a échappé. Et pendant cette dizaine d'années, les musulmans n'ont continué plusieurs triomphes qui ne firent pas fléchir Al-Muthanna. Jusqu'à ce qu'il soit survenu un événement majeur, la conquête de la Mecque. Les tribus arabes commençaient à s'unir et à se construire et se constituer une nouvelle force. Après plusieurs hésitations, la balance d'Al-Muthanna pencha enfin vers la vérité et l'islam. Et il décida de se convertir bifadlillah azza wa jalla. Mais malheureusement, sa conversion coïncida avec la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il en pleura amèrement. Pourquoi ? Parce qu'il se rendit compte de tout ce qu'il avait manqué en refusant de soutenir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam depuis le début. Et également, il refusa de se rendre à Médine, rencontrer son ami Abu Bakr qui était devenu calife, le premier calife des musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il voulait d'abord réaliser quelque chose d'important pour l'islam, comme un acte de pénitence, un acte de repentance. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce que nous avons fait pour l'islam? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est content de nous? Pose-toi la question, mon frère. Pose-toi la question, ma soeur. Al-Muthanna était âgé de 60 ans. Et il se mit alors à recenser quels étaient les besoins imminents pour l'islam à cette période-là. Et il constata que les guerres d'apostasie, parce que vous êtes sans ignorer que après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la majorité des tribus arabes avaient apostasie de l'islam. Alors Al-Muthanna constatait cela. Et il constata que ces guerres commencèrent à faire beaucoup de dégâts dans les rangs des musulmans. Ces guerres étaient menées essentiellement par une personne qu'on appelait Al-Musaylama Al-Kaddab, Musaylama le menteur. Et elles étaient soutenues financièrement et militairement par les Perses. Alors Al-Muthanna décida de réunir la tribu de Beni Shayba et leur proposa de se convertir à l'islam. Ce qu'ils acceptèrent bifadlillah azza wa jalla. Ensuite, il décida d'empêcher les Perses de venir en aide à Musaylama en les attaquant à leurs propres frontières. Ce fut alors un revirement complet dans les relations entre les tribus, entre la tribu de Beni Shayba et les Perses, après un pacte qui avait duré 60 ans. Kisra, l'empereur perse, ne comprenant pas ce changement inattendu, envoya un émissaire à Al-Muthanna pour lui demander « Qu'est-ce qui se passe ? Quelle était la cause de ce revirement ?» Et Al-Muthanna répondit qu'il avait enfin trouvé la vérité et le bien avec les musulmans, ainsi que l'union, alhamdulillah. Car les tribus arabes n'étaient plus dispersées comme auparavant. Elles s'étaient réunies. Elles avaient maintenant une force. Donc même si Al-Muthanna s'était converti, on remarque qu'il continua à calculer prudemment ses pas avant de décider. Il ne s'agit pas de s'avancer aveuglément sans avoir bien étudié le contexte. Devant les événements, les gens réagissent en général de trois manières différentes. Les uns sont émotionnels et ils sont sensibles à la parole. Ils ont ce qu'on appelle le hamas, l'engouement. Quant aux autres, ils ne sont convaincus que lorsqu'apparaît la vérité et le bien. Ça veut dire que lorsque la chose est devenue très claire, alors c'est là que ces gens-là se décident à suivre ce mouvement, cette vérité-là. Et enfin, le troisième groupe, ils font un calcul sur papier avant de trancher. Ils évaluent le bien qu'ils pourraient avoir en suivant ce groupe-là et yani les conséquences néfastes que ça pourrait avoir sur eux. C'est pour cette raison que Khalid ibn al-Walid, des gens comme Amr ibn al-As et al-Muthanna ibn Haritha mirent du temps à se convertir à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient de nature calculateurs. Ils avaient cet esprit de politique. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a une règle à suivre par rapport à ça ? Je ne peux pas répondre à la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Allah, c'est qu'al-Muthanna faisait partie de la troisième catégorie. Mais Anik, avec le temps, il avait commencé à intégrer partiellement la première et la deuxième catégorie. Et je pense qu'en vérité, c'est le bon mélange qu'il faut savoir équilibrer. L'idéal est d'être capable de faire une étude stratégique tout en y intégrant de l'émotion et un amour pour le bien. Al-Muthanna continua donc sa bataille contre les Perses jusqu'à la fin des guerres d'apostasie pour la victoire de l'islam. Et toutefois, il ne voulait toujours pas se rendre à Médine. Malgré ça, il ne voulait pas se rendre à Médine. Pourquoi ? Parce qu'il était persuadé que ça n'était toujours pas suffisant. Ce n'était pas assez pour qu'il puisse être pardonné. Et donc il découvrit par la suite que les Perses se préparaient à mener une guerre contre les musulmans. Alors, il décida de les attaquer en premier en menant sa propre tribu et celle de Beni Bakr dans ce combat-là. Et quand on lui demanda les raisons de ses agissements, il répondit qu'il avait déçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le passé et qu'il ne pouvait pas se permettre cela une seconde fois. Subhanallah. Le combat contre les Perses s'intensifièrent. Les combats contre les Perses s'intensifièrent, mais al-Muthanna n'arrivait toujours pas à percer leur rang de façon décisive. Pourquoi ? Parce que la tribu de Beni Bakr n'était pas suffisamment aguerrie au combat pour avoir des résultats conséquents. Alors il envoya un message. Il leur envoya un message qui allait, subhanallah, changer le cours des événements. Il leur dit de la part d'al-Muthanna à Beni Bakr, ne déshonorez pas les musulmans. Ne déshonorez pas les musulmans. Et sachez qu'Allah est avec la vérité. Allahu Akbar. Ces mots, ces quelques mots, suffirent pour assurer la première victoire. Mais il ne se contenta pas de ce succès, et il envoya donc au calife Abu Bakr une lettre pour lui demander du renfort. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas continuer tout seul. La ferveur et l'envie de satisfaire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'empêchait pas de bien calculer sa progression. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui ne connaissait pas encore al-Muthanna, il conseilla à Abu Bakr de lui envoyer Khalid ibn Walid en renfort, à condition que ce soit Khalid, le commandant de l'armée. Et il faut rappeler ici qu'Ibn al-Walid n'était âgé que d'une quarantaine d'années à cette époque, alors qu'al-Muthanna avait 60 ans. Et il était l'initiateur de ces combats-là dont nous parlons. Subhanallah, nous savons maintenant qu'al-Muthanna était à l'origine de la conquête de la Perse et de la venue de Khalid ibn Walid. Al-Muthanna a donc accueilli Khalid en compagnie de 7000 hommes. Et lorsqu'il eut connaissance de l'ordre d'Abu Bakr, il dit « Je jure par Allah, ya Khalid, que je n'ai pas d'ambition pour commander » ou gouverner. Tout ce que je veux, c'est me repentir du fait d'avoir déçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et discréditer mon peuple. Oh Khalid, je veux pouvoir dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, je t'ai déçu pendant 10 ans, puis je t'ai soutenu pendant 10 ans. Je prie Allah pour pouvoir vivre assez longtemps pour conquérir toute la Perse. Car j'avais dit un jour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je ne le défendrai pas contre les Perses. Allahu Akbar. Quant à Khalid, se mit alors à organiser l'armée qui était composée de 17 000 hommes. Et il plaça Al-Muthanna à l'avant. Ali ibn Hatim à gauche et il se positionna lui-même à droite. Six grands combats se succédèrent et ils conquirent plusieurs régions dont Al-Anbar, Babel, etc. Jusqu'à Al-Hira, qui était la deuxième capitale de la Perse. Et c'est là que Ali ibn Hatim se mit à pleurer. Quand on lui demanda la raison, il répondit que le jour de sa conversion, il n'était pas très, il n'était pas certain de lui, de son choix. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait prédit que les musulmans atteindraient Al-Hira et qu'il ferait partie de l'armée qui y entrera. Et cela s'était finalement réalisé, subhanallah. Il ne restait plus que la région de Al-Mada'in pour finaliser la conquête de la Perse. Et c'est là qu'Abu Bakr envoya un message à Al-Muthanna, lui demandant de le rejoindre à Médine, car il voulait voir ce vieillard, ce vieil héros. Et quand Al-Muthanna arriva à Médine, il rencontra Abu Bakr, il lui demanda: est-ce que tu penses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera satisfait de moi? Puis il s'en alla saluer le prophète alayhi salatu wa sallam devant sa tombe. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est si cher à nos yeux? Est-ce que nous avons envie de réaliser un travail digne de lui être présenté au jour de la résurrection? Pouvons-nous aller aujourd'hui saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine et lui dire que nous sommes toujours fidèles au pacte? Subhanallah. Regardez la réaction qu'a eu Al-Muthanna, âgé de 60 ans, qui était l'investigateur, l'initiateur de ces combats contre les Perses, qui était le chef, le commandant de cette force-là. Mais lorsque Khalid, qui était plus jeune que lui, qui n'était pas à l'origine de ces combats, qui n'avait pas l'ancienneté dans ces batailles-là contre les Perses, qui n'avait pas l'expérience peut-être et la connaissance des armées perses, lorsque l'ordre est arrivé, Muthanna se soumit et dit qu'il n'est pas là pour le pouvoir, il n'est pas là pour le commandement. Wallahi, ceci devrait faire méditer certains qui prétendent vouloir soutenir l'islam, mais qui ne pensent qu'à leur ancienneté, qui ne pensent qu'à moi j'ai fait ci pour l'islam et des plus jeunes que moi veulent telle et telle chose. Abu Bakr mourut par la suite. Et Omar devint calife, le deuxième calife. Il demanda à Khalid ibn Walid de quitter Al-Muthanna et de se diriger vers la Syrie. Pourquoi? Parce que maintenant les Romains commençaient à attaquer cette région-là. Et lorsque Khalid partit en Syrie, il a amené avec lui le tiers de l'armée. Donc ce qui a beaucoup affaibli le reste des combattants. Hormuz, donc, qui était l'empereur perse, saisit l'occasion et prépara une armée de 20 000 hommes afin d'affronter Al-Muthanna. Ce dernier alors demanda du renfort à Omar, qui lui envoya une armée commandée par Abu Ubaïda. Il réitéra le même ordre, qui consistait à ce que son envoyé soit à la tête de l'armée et qu'Al-Muthanna l'assiste. Toutefois, Abu Ubaïda était quelqu'un d'un peu impulsif. Et c'était la cause de sa grande ferveur. Lorsqu'ils entamèrent une bataille connue sous le nom d'El-Jisr, le pont, les deux armées étaient face à face, séparées par un pont. Hormuz leur dit: ou bien vous traversez pour nous trouver, ou bien c'est nous qui le ferons. Donc Al-Muthanna conseilla à Abu Ubaïda de rester à leur place et de laisser les Perses traverser et qu'ils attendent donc pour les affronter. Sinon l'armée allait se disperser et se fatiguer. Ça veut dire que si les Perses traversaient et donc avaient le pont dos à eux, s'ils étaient mis en déroute, ils auraient eu du mal à fuir. Alors que si c'était les musulmans qui traversaient et qui avaient un problème, alors ils seraient en porte-à-faux. Mais Abu Ubaïda préféra ignorer le conseil d'Al-Muthanna et s'aventurer donc sur le pont. Et à cause de son engouement, il a voulu l'héroïsme, il a vu la puissance, la force de l'islam. Il a voulu lui être celui qui attaque. Et c'est ainsi que l'armée musulmane fut décimée et que Abu Ubaïda mourut en martyr. Al-Muthanna était alors obligé de demander à l'armée de se retirer. Il se chargea avec une centaine de cavaliers d'assurer donc l'arrière-garde des soldats pendant leur retraite. Et pendant que les soldats faisaient demi-tour et battaient en retraite, Al-Muthanna resta jusqu'à ce que tout le monde eût traversé le pont. Et malheureusement, il reçut une lance dans son épaule et ce fut la seule défaite des musulmans donc pendant toute la conquête de la Perse. Il était alors âgé de 65 ans à cette époque-là. Et il était toujours en bonne forme. Un vrai combattant. Qu'en est-il des personnes qui fument des cigarettes, qui fument des drogues, dont le ventre dépasse de leur t-shirt, parmi ceux qui aujourd'hui composent la communauté musulmane? Où sont-ils en ce qui concerne leur santé? Même la femme d'Al-Muthanna l'accompagnait dans tous ses combats. Elle jouissait également d'une bonne santé. Qu'en est-il aujourd'hui des jeunes musulmans? Lorsqu'ils finirent donc la traversée du pont, on lui demanda de se reposer un peu. Il leur rétorqua, « Comment pourrais-je rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans avoir atteint Al-Mada'i ?» Il envoya alors un message à Omar ibn Khattab, indiquant la perte subie par les musulmans et les nécessités de renvoyer du renfort au plus vite. Pourquoi? Parce qu'il sentait que ses jours étaient comptés à cause de sa blessure. Omar lui envoya du renfort avec à la tête Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était parmi les 10 auxquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait promis le paradis alors qu'ils étaient encore vivants. Mais cette fois-ci, il ordonna à Al-Muthanna d'être le commandant de l'armée. Et à l'arrivée de Sa'd, Al-Muthanna était déjà en train d'agoniser suite à sa blessure. Et il demanda à Sa'd d'assurer le commandement car il n'en était plus capable. Subhanallah, on ne peut que admirer la beauté de la fidélité et de la dévotion de Al-Muthanna. L'important n'était pas d'être le premier ou le deuxième. L'important n'était pas d'être le commandant, le chef ou l'émir. Mais l'important était de servir la cause. L'important était de servir l'islam. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le priver du commandement afin de réserver sa récompense dans l'au-delà. Allah ta'ala a'ala. Al-Muthanna mourut donc en martyr aux portes de Mada'i. Et il demanda qu'on l'enterra sur place. Lorsque sa femme lui demanda la raison, il répondit que c'était dans l'espoir que cela intercède en sa faveur au jour de la résurrection. Un homme formidable, wallahi. Wallahi. Un homme parmi les grands hommes. Après sa mort, sa femme épousa Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu. Et des années plus tard, lorsque celui-ci eut quelques moments de faiblesse à cause d'une maladie dans la bataille de Qadisiyah, subhanallah, elle se mit en colère. Regardez les femmes, comment elles se comportaient envers leurs hommes. Dès qu'elles voyaient que l'homme était un peu laxiste, faible, faiblissait dans son courage et sa bravoure, elle se mit en colère et lui lança, si seulement Al-Muthanna était là, il était un héros. Subhanallah, afin de piquer Sa'd ibn Abi Waqqas dans son orgueil. Notre épisode touche à sa fin. Est-ce que vous avez aimé Al-Muthanna? Al-Muthanna ibn Haritha? Qu'avez-vous tiré comme leçon de cet épisode et de sa vie? Quant à moi, je vais énumérer quelques leçons que j'ai pu en tirer et que j'aimerais partager avec vous. Parmi les premières choses à retenir, ne tarde jamais quand il s'agit de faire le bien, car tu pourrais le regretter amèrement par la suite. Deuxièmement, raisonne quand il faut. Mais n'oublie pas d'y inclure un brin d'émotion, un brin d'émotionnel, et de considérer également le bien dans cela. Troisièmement, le bon comportement. Ce fut la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand on lui demanda quel était son message. Il dit également qu'il fallait considérer la religion dans son entièreté, dans sa globalité, dans son intégralité. Quatrièmement, si tu commets une grande faute, si tu commets une erreur, essaie de te repentir en compensant avec une autre bonne action qui est conséquente. Une action qui est conséquente à la une bonne action qui est conséquente à la mauvaise que tu viens d'accomplir. Yani, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, remplace le bien, remplace le mal par ce qui est meilleur. Idfa' billati hiya ahsan. Cinquièmement, sauvegarde ta santé. Prends soin de ton corps. Pratique du sport. Et ne tombe pas dans les excès de nourriture jusqu'à tomber dans l'obésité. Au point où tu seras essoufflé en montant les trois marches de chez toi, ce qui te causera peut-être des points de côté. Le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a un bien. Et sixièmement, trouve-toi un rôle à jouer, même si personne ne te le demande. Prends tes responsabilités. Agis pour l'islam. Œuvre pour l'islam. Donne les aumônes. Appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Défends sa religion. Prends ta place. Marque ton territoire. Et rappelle-toi d'une chose. Subhanallah. C'est que même le chien où il passe, il laisse une trace de lui. Je veux dire par là que on constate que lorsqu'un chien y passe, à côté d'un arbre par exemple, il fait pipi. Il laisse une trace de son passage. Et toi, te voici qui a atteint 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, qu'auras-tu laissé comme trace sur cette terre pour l'islam? Notre épisode touche à sa fin. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréera nos actions, qu'il nous pardonnera nos péchés et nous permettra d'atteindre un des objectifs du Ramadan, ce qui est la piété. Dans le but que, après ce Ramadan, nous soyons meilleurs que nous l'étions avant le Ramadan. Et qu'on atteigne le Ramadan suivant en étant meilleur que le Ramadan que nous sommes en train de passer là. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.